Question 39. La pluie vient de s'arrêter. Je passe en feu de position. Réponse A. Je conserve les feux de croisement. Réponse B. J'éteins tous les feux. Réponse C.